Alors on peut peut-être voir un deuxième extrait donc, de ce reportage de télévision. Une toute petite question, oui. J'ai vu copyright Rajak Ohanian, ça veut dire qu'il y avait ce photographe aussi à ce moment-là? Rajak Ohanian en copyright. Il est passé, il a fait quelques photos, Rajak. Oui, et quel est le rapport? Nous, on a énormément photographié parce que c'était un des dispositifs d'écriture. Hélène a fait énormément de photos sur Radovan. Moi, j'en ai fait énormément sur les Italiens. Et ils sont révoltés contre l'idée qu'on avait fait de faire tout un film en bande-titre. Et donc, ça a donné la naissance au film lui-même, où ils prennent cette idée stupide de bande-titre en disant « Mais nous, alors, on ne vit pas. » Donc, on a refait tout à partir de là. Donc, il n'est pas resté longtemps, en fait. Il n'est pas resté longtemps en tant que photographe. Non, il est passé juste... Il a fait quelques jours, c'est tout. C'est tout. Les seules photos de l'intérieur de l'usine, c'est lui qui les a faites. Ouais. Ah oui, donc on voit un deuxième extrait de ce reportage de télévision de France 3, Franche-Comté. Oui, faire 3. C'est un deuxième sujet. Il y a quatre sujets en tout qui ont été tournés par France 3, Franche-Comté, donc vraiment au niveau régional, mais ça n'a pas été diffusé au niveau national. Et donc là, c'est le deuxième sujet de 75, de juin 1975. Et on te voit sur le tournage, Stéphane, avec Gatti également. Et le film marocain et le film italien, je crois. Au studio des Molles, le groupe italien montre sa quotidienneté, mais surtout en dégage son imaginaire improvisé devant le museau stylisé du lion. Car si l'italien, comme les autres, a trouvé une sorte d'identité française dans le travail, celui-ci monopolise et annule finalement cette tentative d'identité, d'où parfois rêve d'un paradis comme le Maroc pour les Marocains. Résultat, ces acteurs ouvriers, qui étaient à la chaîne une demi-heure avant, refusent des prestiges sportifs italiens évidents. Confrontation entre la gloire publique et la réalité de l'immigré. Pasquale, en tant qu'ouvrier, ma victoire, c'est rien, bras d'honneur. Horatio, ma victoire, c'est d'être dans ce film et d'y faire de la révolte, de l'autocritique. Vincenzo, l'important pour moi, c'est d'avoir imposé Gramsci. Gramsci, théoricien marxiste, officiel et maudit, et férocement combattu par Mussolini. Bref, superposition schizophrène, ce film où l'on sent l'écriture collective chère à Gatti veut démontrer que la cage est un verre au fond duquel on reglisse chaque fois que l'on veut s'en évader. Il y a dans tout ce que la société leur offre, un peu en tant qu'ouvrier, les doigts qu'on leur offre, c'est celle de Tony, c'est celle de Pimondi, c'est celle enfin, du sport, du pugilat, du football, et la Juventus, etc. Alors, ils les vivent en tant qu'Italiens, comme ça, enfin, à ce niveau-là, mais il est évident qu'ils n'en sont pas dupes. Enfin, il y en a qui ont même des réactions très très fortes contre ça. Et c'est un des problèmes qu'ils se sont posés enfin, au cours du film. Et pour s'apercevoir que finalement, le fait de faire le film, que l'ouvrier puisse faire le film, puisse s'exprimer, etc., c'était ça une victoire, une vraie victoire. Ça commence par là-haut, c'est le ciel. Alors, tu restes sur place, tu ne bouges pas, hein, le ciel. Et lorsqu'il te répond de Maroc, tu y vas. Hein? Bon, allons-y. Maghrib, Salam. Maghrib. Al-Maghrib. Tout le monde est venu de Maghrib. Maghrib, ja'ala, innaka faridun wa khuna Maghribi. Khuna, Allah. L'émigré, lorsqu'il arrive, enfin ici, il est déporteur de toute une culture, culture qui s'opère en partie au contact d'une autre culture qui ne le reçoit pas pour autant. Alors, il est là, enfin, balotté entre toute une série, enfin, est-ce qu'il va être plus marocain, ou plus français, ou moins marocain, et moins français, etc. Il y a toute une recherche de l'individu. En même temps, il a un nom qui est difficilement prononçable ou catalogué dans les idées reçues. Enfin, et alors, là-dessus, il essaie de s'en sortir, d'exister en tant qu'individu. Alors, c'est le cas, par exemple, des Marocains. Bon, le premier scénario, c'est qu'ils se cherchent à travers leur religion, qui s'appelle le ramadan, et c'est le fait, l'idée de fait qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent avoir parce qu'ils sont intégrés tout à fait dans un monde où ils ne peuvent pas avoir de fait. Alors ce ramadan se passe, ça devient presque un film humoristique, dire qu'on ne peut pas manger pendant que les autres travaillent, pendant que tout le monde travaille, et en même temps, lorsque tout le monde travaille, c'est les heures où on peut manger, etc. Il y a un chassé croisé comme ça, qui est contrôlé par le ciel, qui regarde ses pauvres enfants, du Maghreb en train de se battre contre la grande bête qui est Peugeot, qui est la métallurgie, qui est le monde de l'industrie dans lequel ils sont insérés. On m'a dit tu vas avec nous à Bourg-la-Chaux pour travailler en chef de montage chez Monsieur Peugeot. Ça te fera du grand bien, je dis d'accord. Me voilà en chef de montage. J'ai rencontré quelques amis marocains, tunisiens, algériens, yougoslaves, turcs, portugais, etc. On m'a raconté l'histoire de Brigitte Indienne, le statut empoisonné, le trésor caché derrière l'usine, le cache-cache entre les baraques de Bourg-la-Chaux, de l'écotage sur la chaîne de montage, plus l'histoire d'un vieux mexicain qui s'appelle Monsieur X, perdu entre les baraques de Bourg-la-Chaux, en direction la chaîne de montage, accompagné de sa musette casse-croûte, il chante et il dit, à vous la chanson, au coup de signal, vous répondez, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous, voy